Allez, on est avec Guillaume Daguet-Bresson, le salarié du club, qui nous parle un petit peu de ce club au masculin du handball de Perne, qui grandit tout doucement. Tout à l'heure, vous donnez l'axe de travail. 244 licenciés, c'est fabuleux. On a ici, on a un repère. Tu accueilles des nouveaux joueurs, Guillaume. Est-ce que c'est ton travail aussi d'avoir une permanence au club pour pouvoir récupérer des gens qui veulent devenir des handballeurs aujourd'hui? Alors là, on est en fin de saison. Par exemple, pour la Coupe du Monde, j'ai eu une dizaine d'appels sur le numéro du club et j'étais obligé de refuser des enfants en pleine Coupe du Monde. Les équipes, les effectifs, nous sont pleins depuis le mois de septembre. Après, on veut faire des deuxièmes équipes parce que c'est le projet du club pour pouvoir permettre de former un peu mieux ces gamins. L'avantage d'être sur Sorg du Comtat, c'est qu'on a quand même un vivier qui est super intéressant. On n'est pas beaucoup de clubs dans le secteur en faisant du masculin. Je crois que c'est Vedane aussi, non? Qui est masculin, Carvalho, Carpentras. Ouais. Voilà. Après, on a l'avantage d'être sur Monteux et d'avoir une très bonne entente avec le club du Thor pour essayer de récupérer des gamins et pouvoir jouer au niveau régional dès les moins de 14 ans. Ça, c'est ton objectif pour l'année prochaine? Dans 2 ans, sûr. D'accord, tu as déjà un petit peu la perspective de ce que voilà. Tu as et ce que tu auras plus tard. Voilà, je peux pas dire que je serai au niveau régional l'année prochaine parce que je ne saurais pas, mais c'est le travail est fait pour y être dans 2 ans. J'ai vu tout à l'heure, tu nous as dit, vous avez remodelé le logo du club. Oui. Aujourd'hui, le pouvoir, je veux dire, M. Gabert, le maire, et surtout le président, veulent donner un nouvel élan. Aujourd'hui, ton rôle, c'est ça surtout. C'est ça, donc là, il y a le développement. On a parlé beaucoup du sportif, mais il y a quand même les manifestations. On est à pas moins de 9 manifestations sur la saison. Donc il y a toute la communication. On a relancé le site internet. On a recréé une page Facebook qui est mise à jour tous les lundis à minima. Voilà. J'arrive peut-être. Tu sais l'affection que j'ai pour le hand et l'admiration que j'ai pour les handballeurs en général et pour tous ces gens qui créent et qui font vivre le truc. À titre de comparaison, il est en train de refuser des gamins dans toutes les catégories d'âge. Au rugby à Bédaride, on en est encore à essayer, pour terminer le challenge Méditerranée dans quelques semaines, d'essayer de recruter une paire de mecs. Parce que ils ont fait la saison à 21. Et c'est pas assez. Alors que lui se permet, et bravo Guillaume, se permet de pouvoir refuser des mecs en plein championnat du monde en disant je suis désolé les gars, je suis full, revenez en septembre et on essaiera de trouver des solutions. Allez jouer au tennis, allez jouer au rugby, revenez en septembre, on essaiera de vous trouver une solution. Tu comprends le. Et parce que ça véhicule, encore une fois, ça véhicule une image de sérénité, de réussite, de. Quand tu vois. À titre de comparaison, tu regardes Bernard Sall, le président de la Ligue de la Ligue Pro de handball, et tu vois son homologue rugby, Goz. Ils n'ont pas du tout les mêmes discours. Il y en a un qui est dans la guérilla, dans la connerie, et tu as Bernard Sall qui est super serein. Il a mis des trucs en place, ça tourne, ça roule. Il n'a pas besoin d'aller se bagarrer contre Paul, Pierre, Jacques. Au contraire, lui, à chaque fois qu'un mec fait du bon boulot, il est content, il applaudit parce que ça rentre. Et le président de la Fédé, dont j'ai oublié le nom, peu importe. Voilà, lui, il est dans la même truc et ça tourne. Ah, c'est clair. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le championnat pour les seniors, c'est quelle division? Alors, en honneur régional. Déjà pas mal. Voilà, donc là on est 8e sur 12 et on va être 8e sur 12 à la fin de la saison pour rester en honneur régional et au moins 18 qui montent puissent évoluer l'année prochaine à ce niveau-là. Ouais, et tu nous as dit bien sûr qu'il va y avoir plusieurs équipes de Perne qui vont évoluer presque au plus haut niveau où il y a encore du travail. Alors le plus haut niveau, dès moins de 14 ans, on l'espère dans 2 ans. Et c'est quoi, c'est la Ligue, c'est ça? Oui, championnat régional, et à partir des moins de 16, c'est l'interrégion. Donc maintenant, il n'y aura plus que 2 régions, avant il y en avait 3, parce qu'on fusionne en PACA, donc on rajoutera simplement Languedoc-Roussillon sur championnat. C'est ce que m'avait dit, tu dois le connaître, Carl Vesson, non? Oui, sur championnat méditerranéen. Voilà, parce que là aussi, hein, ça coulisse bien. Hein. On parle de filles Carvesono, mais Carvesono, c'est aussi le masculin. Tout le monde coulisse et tout le monde est toujours sur la même onde. Ouais, et ils ont le même discours. Ils ont le même discours. Guillaume a le même discours que Carl. Carl a le même discours que son prédécesseur, dont j'ai oublié le nom, Pascal Bassé. Ils ont tous le même discours. Donc forcément, il y a une vraie cohérence dans les actions. C'est pas, ils n'essaient pas de tirer le drap vers eux. Il y a une vraie cohérence pour le bien du handball. Toi aussi, Guillaume, tu regardes un petit peu comme le Pôle France. Là aussi, chez les garçons, ça fait pareil. Dès qu'il y a un joueur qui te semble être un petit peu supérieur aux autres et qui a un niveau d'études très intéressant, on le récupère aussi. Oui. Alors, moi, pour avoir été ami avec le directeur du Pôle de Dijon, il y a des très, très bons jeunes. Et ce qui arrive plus tard, ça sera peut-être encore meilleur que ce qu'il y a actuellement dans l'équipe de France. Mais regarde les gamins pendant le championnat du monde, on a vu sortir des types qu'on connaissait pas. Le petit Fabregas, il a 19 ans. Lui, personne ne le connaissait à part son père, sa mère et sa petite sœur. Et finalement, ce mec-là, il est presque le meilleur joueur du championnat du monde. Et parce que, encore une fois, on a fait jouer le petit Fabregas à Montpellier alors qu'il avait 17 ans. On lui a dit, attends, on va te filer du temps de jeu en première, tu vas avoir le temps de t'aguerrir, tu vas avoir le temps de faire le job. Et puis regarde ce gamin, il a passé deux ou trois ans, pas loin, en titulaire à Montpellier. Là, maintenant, on le chope, ce gamin, on lui dit, bon, va te régaler, va jouer à Barcelone, tu vas voir, tu vas vivre une nouvelle expérience, une salle de 20 000 personnes, etc. Et puis Fabregas, il fera comme Karabatic. À un moment, il reviendra, les mecs, ils vont choper de l'expérience, ils reviennent, ils restent quand même sélectionnables pour l'équipe de France, et c'est cohérent, il n'y a pas... Moi, je suis admiratif, mais... Alors... Aujourd'hui, ce que dit Jean-Yves, c'est très bien, c'est vrai. On parle surtout là, du national, hein, on voit un petit peu comment le travail est fait en bas. Toi, tu fais partie de ces petites fourmis là, du handball qui détectent les petits Fabregas. Des petits Fabregas aujourd'hui. Tu as un style stéréotypé au niveau des joueurs où tu les mets tous ensemble et c'est à celui-là qui tire l'épingle du jeu, qui fait partie de la une, qui fait partie de l'équipe 2, ou sinon tout le monde est logé à la même enseigne. Non, tout le monde est logé à la même enseigne où tout le monde travaille et doit travailler pour obtenir sa place, que ce soit en équipe première ou en moins de 12, en moins de 14, en moins de 16. Voilà, la chance qu'on aura l'année prochaine en créant deux équipes dans une catégorie, c'est qu'on pourra mettre en compétition les gamins qui veulent aller en équipe 1 et les gamins qui veulent rester en équipe 2. Ça permettra de faire du loisir, parce que le loisir est quand même très important, mais ça permettra également de former des jeunes pour faire de la compétition et pour prendre du plaisir. Parce que... Voilà, parce qu'on a cette image, on le parle encore au féminin, parce que le Vaucluse, c'est assez féminin, et, le masculin arrive, mais là aussi, on a des jeunes qui veulent s'exercer, on a le petit Lyotard, tiens, je vais pas le citer ce soir, qui est à Sorgue, qui est visé par Nîmes, il y a un Pôle France à Nîmes, qui aimerait récupérer ce garçon, parce qu'il a un talent, apparemment il a du talent, hein, il était même en partance, je dirais, de soi. Ouais, mais tu vois, et là aussi, pareil, quoi. C'est vrai que le masculin, eh bien, après, il faut s'exporter pour pouvoir essayer d'évoluer plus haut. Tu es peut-être d'accord avec moi là aussi. Malheureusement, oui, sur le Vaucluse, pour l'instant, à part Avignon qui évolue en National 2, qui va descendre probablement. Qui risque de descendre probablement. Il faut aller sur Aix, il faut aller sur Vitrolles, il faut aller sur Nîmes. Moi-même, je suis allé sur Nîmes. Donc, oui. Mais à côté de ça. C'est pas parce que tu débutes dans un petit club, on parle du petit Lyotard à Sorgue, mais si tu prends Mika Guigou, qui est en équipe de France depuis 20 ans, ce mec-là, il a débuté à Apt. Oui, exactement. Et à Gargas, même, peut-être, enfin, dans un club de raccro. Et finalement, regarde les carrières qu'ils font. Alors, c'est pas parce que tu... Au rugby, si tu débutes dans un tout petit club et que t'as pas la chance de t'appeler Lucas Damignani, par exemple, ou le petit Cazot, tu restes dans ton petit club. Alors qu'au hand, on les chope et on les envoie dans les grands clubs. Voilà, on va terminer un petit peu cette émission. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de... On s'est presque nourri de ce que tu nous as ramené, Guillaume, de ce club de Perne qui est en bonne santé. Il est 20h, on est presque à la fin, on est à la fin de notre émission. On a été très heureux, il nous aurait fallu presque une heure pour parler avec toi. Aujourd'hui, tu es très content d'être à Verne. Oui, très content. Et je risque de rester. Oui, Fayot aussi. Oui, j'ai pas honte. Hein. J'ai pas honte. J'aime bien M. Gabert. J'aime bien ce qu'il fait. Non, mais pas toi, Guillaume qui est content d'être avec Fayot. Je resterai encore au moins 2 ans à Pernes. Et oui, on va faire du travail pour rester même plus. Oui, mais j'espère. Et en espérant être très assidu aux résultats. Parce qu'on va maintenant visionner un petit peu tout ce qui va se passer. Parce qu'on a besoin de cette image du masculin en handball. Et dans le Vaucluse. Merci de m'avoir reçu et puis à bientôt. Merci Guillaume. Voilà, c'était Guillaume Daguet-Bresson du club de Pernes, les Sorgues du Comtat pour les filles. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Yves. Merci Fred, à très bientôt. Merci Dibourg. Merci et à bientôt Jean-Yves autour des remparts. Bye bye, à très bientôt. Bélucy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélucy.fr. Fly FM, le meilleur des ligues.